creuser la tombe de mon passé. Je vais courir le monde pour te trouver. Je vais briser la glace qui nous sépare.